Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La commémoration ce dimanche du 56e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le président du parti, Prona, dit que c'est à prix de sang que les Burundais ont accédé à leur indépendance. Et le président de la République, dans son discours à la nation, rend hommage au prince Louis Gwagasore, héros de l'indépendance. Et les habitants de la zone Ngoma, commune Musongati de la province Lutana salue la mise en place du grenier communautaire. Ils disent qu'il protège la récolte contre les voleurs. Et les dalettes de la Trine se font parler d'elle à Gihanga. Les habitants de cette localité se plaignent qu'il y a un manque criant de ce matériau. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le Burundi commémore ce dimanche 1er juillet 2018 le 56e anniversaire de son indépendance. Dans son discours à l'occasion de la victoire de l'Iprona le 18 septembre 1961, le prince Louis Gwagasore a mis l'accent sur la nécessité d'une véritable justice sociale et d'une démocratie effective. Le prince Louis Gwagasore a demandé surtout au gouvernement d'éviter toute discrimination et de tendre cordialement la main aux adversaires d'hier. Suivez-le. La victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquillité publique. Car sans autorité forte, aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès. C'est aussi le triomphe de la démocratie telle que le peuple burundais la comprend et la veut, c'est-à-dire la véritable justice sociale, plutôt que les formes extérieures d'une démocratisation des surfaces. L'heure est arrivée de se pencher sur les véritables problèmes de la nation. Problèmes économiques surtout, problèmes de la terre, d'émancipation sociale du peuple Murundi, problèmes de l'enseignement et tant d'autres, auxquels nous chercherons et trouverons des solutions qui nous sont propres. Il faut surtout que tous les habitants du Burundi se sentent en paix et en sécurité, que personne ne se croit menacé et que chacun ait confiance de la protection du gouvernement. C'est pourquoi ce gouvernement qui sera formé bientôt aura comme premier devoir de sévir sévèrement contre tout porteur de troupes. Les militants actifs doivent agrandir le cercle de nos amis, tendre loyalement et colonialement la main aux adversaires d'hier et non étaler de l'orgueil et de l'insolence. Le comité national de l'Uprona sera sans pitié pour ceux de ses partisans qui ne respectent pas ce mot d'ordre impératif de courtoisie, de tolérance et de respect d'autrui. Car le parti ne tolérera pas que le prestige, l'honneur et l'avenir de la patrie soient compromis par des paroles ou des gestes irréfléchis de quelques exercices. Les hommes qui se permettront de décourager ou importuner les étrangers ou les adversaires politiques sous le prétexte de la victoire du parti nationaliste seront considérés comme les ennemis de la patrie et seront punis de manière exemplaire. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, nous annonçons une répression énergique et impitoyable, un châtiment dont ils s'assouviendront. C'était le prince Louis Gwagasore en discours prononcé lors de la victoire du parti Iprona. C'était le 18 septembre 1961. Le 56e anniversaire de l'indépendance est célébré sous le thème de renforcer l'indépendance en mettant en avant l'unité et le travail, source du développement. C'est ce qu'annonce le président de la République dans son message à la nation de ce dimanche. Pierre Nkurunziza a indiqué que plus de 5000 ont laissé la vie dans la bataille contre les Allemands. Le numéro 1 burundais salue le courage des vaillants hommes, entre autres le roi Mwezi Gisabo et Ntarerushatsi Chambarantama. Il rend également hommage au prince Louis Gwagasore, le héros de l'indépendance, et Pierre Ngendandumwe, qui tous les deux sont morts pour le Burundi. Et le parti Iprona dit que les Burundais ont payé cher pour accéder à l'indépendance. Le président de ce parti donne comme exemple le prince Louis Gwagasore qui a été assassiné pour renforcer la souveraineté acquise. Abel Gachati prône le renforcement de l'unité nationale et la promotion de la bonne gouvernance. Pour retrouver cette indépendance, ce n'était pas du tout facile. Ni était le courage de ces anciens hypronistes. Le Burundi n'allait pas retrouver son indépendance. Ces gens même ont laissé la vie en tête le prince Louis Gwagasore. Ce n'était pas facile pour retrouver cette indépendance. Ce n'était pas facile, il y avait des problèmes. Est-ce que 56 ans après, les problèmes sont terminés ou bien ils existeraient toujours? Vous voyez aujourd'hui qu'il y a la pauvreté qui est une réalité au Burundi, il y a la corruption qui s'observe même aujourd'hui, on observe des Burundis qui se trouvent en exil, alors qu'aujourd'hui on commémore le 56e anniversaire. Ce sont tous ces problèmes que les dirigeants de ce pays, que nous les politiciens devons tout faire pour que quand même tout Burundais se trouve à l'étranger, puisse rentrer, et cela peut se réaliser à travers le dialogue des gens en cours. Il faut quand même dialoguer, se comprendre sur des problèmes et surtout faire rentrer tous ces gens afin de se préparer aux élections en cours de 2020. Et ça pourra renforcer de cette façon l'indépendance? Bien sûr, ça va renforcer l'indépendance du Burundi, car quand on commémore cette indépendance, quand il y a une autre catégorie de la population qui n'est pas au pays, vous voyez que ça ne sonne pas bien. C'est très important que tout Burundais qui le désire soit au pays et travaille pour son pays et renforce l'indépendance chèrement acquise par nos ancêtres en tête le prince Louis Gwagasore. Abel Gachati, le président du parti IPRONA, la célébration de cet anniversaire au niveau national, ça sera fait demain. Isanganiro, la radio de l'avenir. Sur la page agriculture, le grenier communautaire permet de protéger la récolte entre les incidents, contre les incidents comme le vol. C'est ce que disent les habitants de la zone Ngoma, en commune Musongati de la province Rutana. Ils se réjouissent que depuis la mise en place de ce grenier, il n'y a plus de vol de récolte dans les maisons. Correspondance signée Arthur Kavaouchi. Dans ce grenier communautaire se trouvant au bord de la route dans la zone Ngoma, à la frontière avec la commune de Rutana, il y a conservé différentes sortes d'aliments comme le haricot, le maïs, les lésines, c'est-à-dire différentes sortes de graines de semences. Les habitants de cette localité qui viennent y faire conserver leurs récoltes et avec qui nous nous sommes entretenus disent qu'ils paient 50 francs par kilo de ce qu'ils y amènent et qu'ils retirent leurs récoltes à la saison des semences. Quant à la conservation de leurs récoltes dans ce grenier communautaire, ils indiquent que ça leur a protégé contre beaucoup d'incidents, entre autres le vol de la récolte et le fait d'aller vendre la récolte au marché, ce qui s'observe souvent chez les couples qui ne s'entendent pas bien, tout en soulignant que s'ils conservent la récolte dans ce grenier communautaire, c'est une assurance pour eux, car depuis la création de ce grenier, le vol de la récolte ne s'observe plus. Un des travailleurs de ce grenier fait savoir que dans toute la province de Rutana, ce genre de grenier n'est pas implanté partout et la zone Ngoma n'est pas proche pour plus d'un, tout en demandant que les greniers communautaires puissent être implantés dans toutes les communes. Ce travailleur dit qu'avant la venue de ce grenier, la récolte se terminait au marché et ou volée dans les ménages, mais actuellement, il faut conserver ça pour le récupérer à la semis. Quant aux semences conservées, il souligne qu'ils y mettent des produits pour éviter qu'ils tombent en mauvais état. Ce travailleur lance un appel à ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de ce grenier communautaire de changer de comportement et venir y placer leur récolte, car c'est pour leur bien. Depuis la commune Musongati de la province de Rutana, Arthur Kavaabouchi pour la radio Isanganiro. Nous disons merci à Arthur Kavaabouchi. Sur la page salubrité, le manque de dalette pour couvrir les latrines constitue l'un des problèmes majeurs rencontrés par les habitants de la plaine de Gihanga dans la province de Bubanza. Ils indiquent également qu'ils sont confrontés à une nappe phréatique très proche de la surface, ce qui les empêche de creuser de profondes fosses de latrines. L'administration locale demande aux bienfaiteurs de venir en aide à ces populations. Space Caritas Cabagnana, correspondance. Au village 4 de la commune Gihanga, par exemple, la population indique qu'elle ne peut pas creuser une fosse qui dépasse 3 mètres, sinon l'eau de la nappe phréatique la submerge. L'autre problème est lié au manque d'eau d'alette pour couvrir les fosses, comme l'indiquent les habitants de ce village, un problème commun pour tous les habitants de la plaine de Limbo. Auparavant, ils utilisaient les troncs d'arbres communément appelés imiko ou imikoko de la réserve naturelle de la Coco, mais actuellement que cette réserve est protégée et qu'on ne peut plus y entrer pour couper les arbres, il y a un problème de dalette. Ces populations du village 4 de la commune Gihanga demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour leur fournir des dalettes pour la couverture des fosses de latrines. De son côté, le chef du village 4 précise que l'administration locale ne cesse de se sensibiliser sur l'emploi des lieux d'aisance dans tous les ménages. Emmanuel Hatungimana indique aussi que l'État et les bienfaiteurs devraient aider dans l'octroi des dalettes à utiliser pour couvrir les fosses des latrines. Spes Caritas Kabanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. Les jeunes qui terminent leur mission de volontariat ne sont pas seulement appelés à chercher du travail, mais également à créer leur propre petite entreprise pour l'autonomisation personnelle. Cela a été dit ce vendredi par le chargé du programme des volontaires des Nations Unies au Burundi, Benjamin Frowain. C'était lors de la remise des certificats aux jeunes qui venaient de finir 6 mois de volontariat. Ces jeunes, quant à eux, disent avoir bénéficié de l'expérience, mais demandent que les prochaines missions de volontariat puissent dépasser 6 mois pour acquérir plus d'expérience. Les détails avec Ornella Mucho. L'un des volontaires du nom Claver Nitonde, qui vient d'être certifié, dit qu'il a bénéficié de l'expérience, mais suggère que la période de la mission de volontariat soit rallongée pour acquérir plus de connaissances. Je suggérerais que la période de volontariat soit un peu allongée, parce que la période de 6 mois est une très courte période, à tel point qu'on ne puisse pas réaliser les activités ou bien atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Autre chose que nous pouvions demander, c'est qu'on puisse constituer une base de données pour ces jeunes volontaires qui ont presté dans ce domaine pour que, une fois s'il y a une opportunité qui s'ouvre, peut-être d'embauche, quand même, ce soit ces volontaires qui en bénéficient en premier lieu. Benjamin Flowen, chargé du programme des volontaires des Nations Unies au Burundi, indique que, malgré que dans leur objectif, ils ne cherchent pas du travail à ces jeunes, ce programme peut toutefois analyser comment ces jeunes peuvent s'occuper. Notre objectif de ce projet, c'est pas de trouver de l'emploi pour les jeunes, c'est de renforcer leur employabilité. Donc, ceci dit, nous rentrons en discussion avec les structures d'accueil s'ils peuvent pas garder ces jeunes parce qu'ils ont fait du bon. Ils ont vu que c'était une personne qui les a bien renforcés, une personne qui a déjà gagné une année d'expérience. Donc, c'est une jeune personne qui a beaucoup de valeur pour l'institution. Et là, on rentre dans cette discussion pour voir. Depuis que la loi portant création d'un corps volontaire au Burundi a été promulguée au cours de cette année, c'est le Centre national qui sera désormais en charge des jeunes volontaires au Burundi. Nous disons merci à Ornella Mucho pour cette nouvelle en rapport avec le volontariat. C'est sur cet même élément que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.